Laissez moi m'en aller, je suis revenu d'y aller. Même si ça n'a pas l'air, les meilleurs moments sont dans la galère. Laissez moi m'en aller, je suis revenu d'y aller. Même si ça n'a pas l'air, les meilleurs moments sont dans la galère. Y'a pas de best of, de best of, à l'époque c'est la West Coast. On était unis, réunis, j'prends des coups pour mes arsos. Contrôle police, abuser les délits de faciès. Très tôt on comprend que dans la police y'a des fachos. Un jeune gars dans le barrio, on contrôle le périmètre. Tu périmètres, capteur à plein temps, toi tu n'es qu'intérimaire. J'ai pas le time, je n'ai pas les lots. Dis-moi c'est quoi les boys, y'en a-t-il que pour les mots. J'étais petit, j'avais pas les mots, on était que des mômes. On se prenait pour des hommes, on voulait contrôler la zone. On voulait contrôler la zone. On voulait le monde envolé, on voulait changer la donne. Laissez-moi m'en aller, j'suis revenu d'y aller. Même si ça n'a pas l'air, les meilleurs moments sont dans la galère. Laissez-moi m'en aller, j'suis revenu d'y aller. Même si ça n'a pas l'air, les meilleurs moments sont dans la galère. Très tôt je côtoie le hip-hop, j'ai trembé l'antipop. C'est pas pour la pratique, non c'est comme un antidote. Ça fait partie de moi, j'en ai besoin, je me vide. Une feuille, un stylo, un kilo, un beat, je m'évade. J'ai fait mes armes, ok j'ai des valeurs. Pas de ceux qui avalent, qui trahissent pour un salaire. Qui ça fait des années, qu'on n'est plus amis. Hier on s'aimait, aujourd'hui on se salit. Et c'est fort, j'en ai fait. Mes défauts font moi ce que je suis. Alors et je dors, seul je sais. Je sais que le monde est stone et que personne n'est parfait. Laissez-moi m'en aller, je suis revenu d'y aller. Même si ça n'a pas l'air, les meilleurs moments sont dans la galère. Laissez-moi m'en aller, je suis revenu d'y aller. Même si ça n'a pas l'air, les meilleurs moments sont dans la galère. Ils veulent savoir qui je suis, sans savoir qui ils sont. Tout me vient, mon esprit, ce n'est pas du cinéma ou de la fiction. Ils veulent savoir qui je suis, sans savoir qui ils sont. Tout me vient, mon esprit, ce n'est pas du cinéma ou de la fiction. Laissez-moi m'en aller, je suis revenu d'y aller. Même si ça n'a pas l'air, les meilleurs moments sont dans la galère. Laissez-moi m'en aller, je suis revenu d'y aller.